Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pendant les vacances de Noël, je vous propose de faire une pause un peu particulière avec des épisodes bonus qui ont été enregistrés ces derniers mois pour la communauté des guides en 2030 glorieuses. Ce sont des échanges qui se passent du coup en visio avec une petite sélection de guides qui peuvent écouter puis poser des questions à des personnes inspirantes qui sont particulièrement proactives sur la question des nouvelles abondances et des nouveaux récits. Et donc, vous avez accès comme ça à une version remontée de ces échanges qui vous donne à voir la richesse des discussions qu'on a avec ces personnes absolument passionnantes, fascinantes et inspirantes. Je m'excuse donc de la qualité qui n'est pas autant en rendez-vous que d'habitude puisqu'on n'utilise pas la même plateforme, mais la qualité, elle, des échanges est trop importante pour se limiter à une technique qui, là, en l'occurrence, ne joue pas tout à fait en notre faveur. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment un super aperçu de la richesse, de la dynamique au sein de la communauté des guides 2030 glorieuses et je suis très content de vous partager tout ça pendant ces fêtes de fin d'année bien méritées. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle soirée refuge qui est la destination des guides 2030 glorieuses. Comme vous le savez, le podcast 2030 glorieuses, il a été suivi d'ateliers de voyage en 2030 glorieuses pour redonner le pouvoir des imaginaires au plus grand nombre. Je pense que dans le flou général, là, on a, nous, la chance de pouvoir reterritorialiser nos rêves et c'est ce que travaillent à faire plus de 150 guides en 2030 glorieuses. Et ces gens, on les chérit, on les connecte, on les nourrit, notamment à travers des soirées refuges qui sont des temps privilégiés pour rencontrer des gens inspirants qui font partie, on va dire, de l'écosystème, des imaginaires, de l'écologie, du changement de société et de modèle. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Yannick Servant, qui est fondateur ou cofondateur, ça y est, le doute Massaï de la CEC. Ensemble. Co-fondateur. Je me disais que la tâche était quand même assez immense. Donc, de la Convention des entreprises pour le climat. Yannick, est-ce que en 2023, fin 2023, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est la Convention des entreprises pour le climat? Et si oui, est-ce que tu peux commencer peut-être comme si tu étais, tu sais, dans un événement où tu étais amené à te présenter, tu as ton petit badge Yannick Servant sur la poitrine, et puis tu arrives là tout fier en disant à quelqu'un, j'ai cofondé la CEC, qu'est-ce qui se passe? Comment se font les conversations là, ces derniers mois quand tu tombes dans ce cas de figure? Yes, écoute, déjà merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que l'heure et un peu qu'on a ensemble sera, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, que ce soit éclairant ou au minimum que ce soit intéressant. Donc, est-ce qu'il reste des gens en France ailleurs qui ne savent pas ce qu'est la CEC? Ma réponse est oui, et il y en a des tonnes. C'est on va dire, dans la bulle transition, je pense qu'il en reste plus beaucoup, mais j'imagine que c'est des choses dont vous parlez vous aussi, nos récits et nos imaginaires de mondes différents, faut surtout qu'on s'attache à les rendre désirables pour ceux qui ne sont pas dans notre bulle. Sinon, on va pas vraiment y arriver. Et donc, moi, avec mon petit badge, comment je me présenterai? Je dis souvent que je suis un start-upper repenti. Je suis sorti d'école de commerce en 2012 et j'ai été très tech, très start-up nation, digital. J'ai bossé dans plusieurs startups, surtout au marketing. Donc, mon job, c'était de créer de la croissance, même de l'hypercroissance. Et l'injonction à l'hypercroissance, c'est des choses qui m'ont un peu travaillé au fur et à mesure. Je suis passé par Google aussi, donc j'ai fait de la très, très grosse boîte. J'étais un tout petit fantassin dans cette énorme machine. Et donc, je viens de là. Et moi, mon cheminement, en deux mots, je pense comme beaucoup de monde ici, le premier confinement, ça a été une belle invitation entre le chômage partiel, le télétravail, les Zooms, tout le monde coupe sa caméra, sauf le CEO qui dit « Hey les copains, je me sens un peu tout seul ». Ça a été une belle invitation à se demander « Mais qu'est-ce que je fous de ma vie ?» La dernière startup dans laquelle je bossais était déjà sur un sujet environnemental, santé, sur la qualité de l'air. Et j'étais entouré de plein de gens, j'étais dans les circonstances favorables, avec un des cofondateurs de l'association de la fraise du climat, un mec qui a créé les cours énergie climat à l'ESCP, ce genre de choses. Donc j'étais bien entouré. Et je me suis dit, OK, c'est le moment, je vais profiter de ce système social, ce modèle social français merveilleusement conçu, demander une rupture conventionnelle et m'acheter 2 ans pour réfléchir et essayer de construire quelque chose de plus aligné avec ce que les mots que m'ont susurré Valérie Masson-Delmotte, Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud à l'oreille sur YouTube pendant mon premier confinement. Et je me suis dit, OK, j'ai envie de faire du consulting un peu en indépendant là-dessus et de décrire tout ce qui me passe par la tête. J'ai eu le temps d'écrire une série d'articles et est tombé dessus un mec qui s'appelle Éric Duverger, qui avait une idée qui germait dans sa tête. Lui, il sortait de 23 ans de Michelin. Très inspiré par la clôture de la Convention citoyenne, le discours de Cyril Dion, le texte du rapport des citoyens qui, sur la première page, offrait une invitation en disant « on ne va pas y arriver si le monde économique ne prend pas toute sa part ». Donc, cette idée-là, elle a germé pendant l'été 2020 dans la tête d'Éric. On s'est rencontrés sur base de moi, ce que j'avais écrit. Moi, c'était plus sur le sujet, l'angle marketing. Est-ce qu'on peut marketer des produits verts ? Je me trouve un peu technosolutionniste à me relire 3 ans plus tard, mais c'est bien, on chemine chacun, chacune. Et on s'est retrouvé un petit groupe de 6 sur Zoom, évidemment, à se poser la question, bon, OK, si on faisait vivre une aventure similaire ou analogue à 150 dirigeants d'entreprise, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce qu'on pourrait accomplir avec ça ? Vers quoi on pourrait cheminer ? Et Eric, lui, il s'était écrit une espèce de communiqué de presse 2030 pour lui-même, dont la première phrase, c'était, je crois, 31 décembre 2030, la boucle est bouclée, Total devient entreprise à mission, un truc dans le genre. Donc, c'était un peu ça, notre point de départ. Évidemment, on y réfléchit un peu différemment maintenant qu'on a mis les mains dedans, mais on a construit ensemble une aventure où l'objectif, c'était d'inviter des dirigeants, des décideurs. Je pourrais partir en monologue pendant 3 heures là, donc comme tu as plein de questions, je vais peut-être m'arrêter là sur le début, mais ce qu'on a imaginé, c'est une expérience pour décideurs, pour les inviter à comprendre que le problème qu'on partage tous, c'est pas celui du climat, c'est pas celui de la biodiversité du climat, c'est celui des limites planétaires, des ressources naturelles finies, à l'intérieur desquels tout est imbriqué, tout est connecté, l'économique, l'environnemental, le social, le politique, le sociétal, et que donc aller vers un 2030, un 2040, un 2050 qui reste souhaitable, qui reste désirable, qui reste heureux, c'est s'attaquer de façon systémique au changement et se rendre compte que le changement à la marge, il ne nous aidera pas et il ne suffira absolument pas. Donc le film passe en accéléré, on ne va pas aller jusqu'à 2031, mais se sont passés ensuite quelques mois, quelques années, avec une première expérience qui a beaucoup fait parler, mobiliser des grosses boîtes, puis ensuite des expérimentations fertiles aussi partout sur le territoire. avec des entreprises là, parfois quand même assez conséquentes, parfois à taille un peu plus locale, des binômes qui se forment, des coachs qui se joignent aussi, des experts, bref, tout un écosystème qui, en réalité, n'a pas forcément besoin d'être créé puisqu'il est déjà là. C'est surtout la Convention des entreprises pour le climat, un prétexte pour rassembler plein de talents, pour rassembler plein d'énergie. Et là, aujourd'hui, des nouvelles conventions qui sont en train d'être lancées pour titiller certains points particuliers, puisque comme tu le dis, on pourrait se dire qu'en fait, comment faire pour embarquer des entreprises qui sont d'une certaine manière à la racine de nos maux, puisqu'elles sont celles qui, avec le soft power du marketing, de la publicité, nous créent des besoins dont, en fait, on pourrait très bien se défaire et qui font qu'on achète, qu'on surconsomme, qu'on surcompétitionne, j'invente des mots, ça y est, et qui en fait font qu'on a là dépassé toutes les limites planétaires ou presque. Donc on est vraiment le doigt, j'ai l'impression là, sur le nouveau levier à cranter quand on voit que pour l'instant, politiquement, nationalement, ça a encore un peu du mal à bouger. Vous l'avez identifié comme ça, vous, comme peut-être l'avant-après de la rupture de la société qu'on souhaite, ou finalement, c'est parce que c'était votre champ de compétences, toi tu disais que tu étais Startup Nation. Est-ce qu'il y avait quelque chose de très stratégique à aller vers les entreprises? Notre analyse, depuis le début, elle s'ancre dans un concept que j'aime beaucoup, qu'un certain nombre qui ont déjà fait une fresque du climat connaissent peut-être, qui s'appelle le triangle de l'inaction. C'est un pote, Pierre Pertou, qui a imaginé ça. En fait, on écrivait nos pensées, nos articles, pendant que moi j'écrivais Marketing Vert, lui écrivait le triangle de l'inaction, c'était fait du feedback sur les articles respectifs avant de publier. Le triangle de l'inaction, c'est une idée toute bête, mais hyper puissante, qui est juste de se dire, on peut décomposer la société en trois blocs, en trois parties. Les citoyens, les entreprises, la puissance publique. Et on le ressent, on le vit, on l'a tous ressenti, vécu, chacun de différentes façons, mais chacun des trois a d'excellentes raisons pour dire que c'est aux deux autres de se transformer en premier. Le citoyen va dire, attendez, moi, j'achète ce qu'on me propose, qu'est-ce que tu veux que j'achète d'autre? Et puis, je fais ce qu'on me dit, c'est pas moi qui fais les lois, j'élis des gens pour faire ça. Le politique va dire, attendez, moi, j'ai été élu sur base d'un programme, pourquoi j'irais faire autre chose que ce qu'il y a dans mon programme? Et puis, c'est les entreprises qui s'adressent aux consommateurs, si c'est la consommation de problème, allez voir les entreprises. Les entreprises vont répondre, écoutez, moi, je produis ce qu'on me demande. Pourquoi j'irais produire autre chose que ce qu'on me demande? Et je fais ce qu'on me dit, les règles qu'on m'impose. Donc, allez voir les gens qui font les règles et allez dire aux gens qui consomment qu'il faudrait qu'ils consomment autre chose. Donc, en soi, à chaque fois, c'est des très bonnes excuses. Et moi, j'ajoute une couche d'analyse par-dessus ça, qui est l'interaction entre pouvoir et courage. De se dire que dans la sphère citoyenne, il y a énormément d'activistes, de scientifiques, de tout un tas de personnalités qui nous inspirent. Et on se dit, mais ces personnes-là, elles ont un sacré courage de faire ce qu'elles font. Par contre, la question, c'est est-ce qu'elles ont du pouvoir ? Un Aurélien Barraud, quand il prend la parole, une Greta Thunberg, elles mobilisent, mais est-ce qu'elles ont du pouvoir? Est-ce qu'elles ont la capacité à systémiquement faire bouger les choses? C'est difficile. Du côté politique, le pouvoir, il est constitutionnel. C'est impossible de dire qu'il n'y en a pas. Par contre, et c'est là sur la notion de courage, il faut faire hyper attention à ne pas être dans du pointé du doigt parce que les choses ne sont jamais si faciles qu'elles n'y paraissent. Le courage est difficile à mobiliser dans le monde politique parce que être radical, moi j'utilise toujours ce terme au sens étymologique, de prendre les problèmes par les racines, d'être radical, de proposer des choses qui vont à l'encontre du statu quo, de voter différemment que la ligne de ton parti, c'est risquer de sauter à la prochaine élection, au prochain remaniement ministériel. Et moi, le premier député que j'ai rencontré dans mon aventure CEC, ce qu'il me disait, c'est « Écoute, Yannick, faut que tu te rendes compte que mon job dépend de l'opinion publique et que l'opinion publique change tous les 6 mois. » Et donc, évidemment, partant de ça, il y a ceux qui quand même ont du courage, ceux qui en ont moins. Mais par la mécanique de la façon dont fonctionne le monde politique, c'est difficile de mobiliser ce courage. Par contre, quand on regarde les entreprises, est-ce qu'elles ont du pouvoir? C'est indubitable. Yamina Saeb, qui est une co-autrice du groupe 3 du GIEC, qui intervenait à la première session de la CEC Finance la semaine dernière, il y avait la caméra de BFM Business qui était là et qui lui demandait « Pourquoi vous êtes là ?» Et elle répond « Parce que le pouvoir est ici, il n'est plus chez les politiques. Donc moi, je viens ici, notamment chez les financiers. » Donc le pouvoir, indiscutable. Et le courage, là pareil, c'est une très bonne question à poser, mais ce qu'on pense, nous, venant de ce monde-là, c'est que, notamment chez les figures dirigeantes, tu as une capacité à allier les deux. Et notamment dans des... Ça, je m'en suis vraiment rendu compte dans l'écosystème, dans l'aventure CEC, tu as des configurations qui nourrissent le courage. Par exemple, des entreprises, dans les entreprises hyper souvent citées qui ont participé à la première CEC, les laboratoires Expansience, Mustela, Sophie Robert-Velu, j'imagine qu'il y a au moins la moitié des personnes ici qui ont entendu parler. Évidemment, je vois Roselyne hocher la tête. C'est la DG d'une boîte à actionnaire unique qui est fils du fondateur et dont la question de vie, c'est quelle est l'entreprise que je vais transmettre à mon fils. Dans ce type de contexte, il y a un sacré pouvoir et le courage est possible, surtout quand DG et président voient dans la même direction et osent faire des choses radicales en disant « Ok, je vais prendre des risques, peut-être que ça va impacter mes dividendes sur les années là immédiates qui viennent, mais si, c'est ce qui permet à mon entreprise d'être encore là en 2030, 2040, 2050, dans une société apaisée, et ça ne peut être que dans une société apaisée, assainie, avec un rapport au modèle économique et à la croissance différent, notamment dans ces contextes-là, l'alliance des deux permet au monde économique, selon nous, de faire le premier pas pour changer de posture. La posture habituelle, c'est de demander aux autres, notamment à la puissance publique, voilà tout ce que vous allez changer avant que moi, je m'y mette. Toutes les règles, toutes les lois, tous les machins que vous allez changer. Ça, c'est du lobbying classique, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe si, à l'inverse, des entreprises disent « Ok, voilà ce que j'ai changé, voilà le risque que j'ai pris, je ne vous ai pas attendu pour le faire, regardez tout le monde autour de moi qui trouve ça cool, voici ce que vous pouvez faire pour m'aider à aller jusqu'au bout et embarquer mon écosystème maintenant que je vous ai prouvé par ma prise de risque que cette trajectoire est souhaitable, désirable et nous projette dans un 2030-40-50 qui est beaucoup plus sain. Donc, je n'aurais pas fait cette réponse-là en décembre 2020, tout au début de l'aventure, mais aujourd'hui, c'est celle que je te fais sur qu'est-ce qui nourrit notre pensée et de se dire qu'y aller par le monde économique, c'est un vrai levier. Ah, c'est marrant, je n'avais pas du tout la même grille de lecture. Et quand nous, on fait voyager notamment les entreprises en 2030, je trouve que c'est vraiment le bon endroit où être en ce moment parce que j'ai l'impression qu'on hérite d'un modèle qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, a donné tous les leviers de transformation du monde aux entreprises et uniquement aux entreprises, avec d'un côté le politique qui a cédé ses indicateurs à l'économique, avec le PIB, avec le taux de chômage, qui sont aujourd'hui les deux grands indicateurs qui permettent de mesurer la réussite de nos dirigeants politiques. Et d'un autre côté, une augmentation de la taille des entreprises, de leur chiffre d'affaires, de leurs moyens, du marketing, de leur capacité à toucher les consommateurs et le fait qu'on soit, nous, les consommateurs, du coup, plus que résolus à notre pouvoir d'achat, qui fait qu'en réalité, tout est mesuré, dicté, entretenu par le monde économique, pour le monde économique. Et donc, là où j'avais l'impression que 70, 100 ans en arrière, on pouvait avoir des hommes politiques qui offraient des visions, qui proposaient des nouvelles abondances, des nouvelles choses à gagner, des nouvelles choses à avoir, maintenant, ils se retrouvent dans un terrain de jeu qui a été trop cloisonné par l'économique et dans lequel ils peuvent plus se mouvoir. Et donc, revient à l'entreprise, maintenant quand même que les citoyens se sont vachement bougés quand même ces dernières années, même si on n'est pas sur 100% des citoyens, mais il y a eu des signaux faibles fort qui ont montré l'envie des citoyens d'aller dans ce sens des considérations écologiques et solidaires, pour prendre que celle-là, et en fait de genre, et on en voit de plus en plus qui montent. J'ai vraiment l'impression que du coup on est dans un moment où nous, qui sommes une espèce fabulatrice, je viens de terminer le livre de Nancy Houston là-dessus, donc je vois le monde que à travers ça en ce moment, mais qui nous racontons des histoires, et ben en fait le terrain de jeu ou le livre, les mots qui sont utilisés, les manières de dire si c'est une bonne histoire ou pas, ça appartient maintenant plus qu'aux entreprises d'une certaine manière, et donc revient la responsabilité aux entreprises de nous sortir un peu de ce cadre en disant, ben en fait je vais utiliser des nouveaux indicateurs pour mesurer des nouvelles abondances et je vais faire en sorte que ben, je raconte de nouvelles histoires pour potentiellement créer des nouveaux désirs aux citoyens, leur faire se rendre compte qu'ils sont pas que consommateurs ni consommateurs, et pourquoi pas même proposer de créer du vide pour remplir différemment nous, nos vies, et on le voit avec certaines entreprises qui osent systématiser le 4/5e ou ce genre de choses, de manière à ce qu'on soit plus que des agents économiques, mais qu'à nouveau on puisse réavoir le temps pour être des agents culturels, des agents politiques, démocratiques, des agents sociaux, des agents solidaires. Donc pour moi, là, ce moment-là où l'entreprise, c'est vraiment l'endroit où appuyer, parce que en fait, elles peuvent dicter de nouvelles croissances, parce que pour l'instant, c'est elles seules qui ont en main les outils, les mesures pour mesurer le succès d'un État et le succès d'un dirigeant politique. J'ai envie de dire, et en même temps, la RGPD. Tu es en train de perdre toute crédibilité, Yannick. Déjà que tu as un fond d'écran Homer Simpson, ouais, et si maintenant tu commences tes phrases par en même temps, là c'était deux vies de chat déjà que tu as grillé. Hein. Ouais. Et quand on laisse le monopole des mots à certaines personnes, c'est acceptable. Oui, absolument, tu as raison. Que je me réapproprie le en même temps. Ce que je veux dire, en même temps, ce ne sont pas les entreprises qui ont demandé la RGPD ou la CSRD. Alors, le chargeur USB-C unique pour tout le monde, je ne sais pas à quelle force de lobbying ont été à quel endroit pour ça, mais RGPD et CSRD, ce n'est pas les entreprises qui l'ont demandé. Elles ne sont pas à monter un lobbying pour dire « on veut ces règles-là ». C'est bien la puissance publique. Et notamment, l'Europe, là-dessus, est une force politique incroyable. Attends Yannick, je te coupe. Toi-même, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait être radicaux et ambitieux. Et là, tu nous parles des manières d'encadrer la destruction du monde, d'encadrer la vente des données, d'encadrer légèrement à la marge le fait que tout soit monétisable. Ça reste un encadrement léger quand même du système capitaliste comme il continue à exister aujourd'hui. Le RGPD, c'est pas ce qui va nous permettre la prochaine révolution digitale. Pour répondre à ça, faut aller beaucoup plus loin. Là, on est en train d'ouvrir énormément de sujets et il n'y a aucune réponse à un sujet complexe qui se fasse de façon binaire. Notre plus grosse difficulté collective, c'est d'accepter la nuance, d'accepter de rentrer dedans. Donc, sur les sujets que je viens de mentionner là, CSRD, RGPD, est-ce que ce sont des paquets législatifs européens qui révolutionnent nos trajectoires? Absolument pas. Mais, et pour passer un certain temps avec des profils politiques de tout type en France et qui agissent à Bruxelles aussi, les négociations pour créer des cadres communs, quel que soit le sujet, il y a peu de choses qui invitent à se mettre tous d'accord de façon radicale sur une trajectoire commune. Les guerres, ça en fait partie. Et là, est-ce que toi, du coup, les CEC, tu les vois comme des incubateurs à éclaireurs de ces changements? Et si oui, du coup, nous qui sommes là pour proposer aux gens de rêver, notamment aux patrons, on voit à quel point il y a quand même une envie, même pour des chefs d'entreprise français qui paraissent pas comme être en réalité là les meilleurs atouts pour être quelqu'un d'utopiste, d'optimiste, qu'on assimilerait en fait à des critiques aujourd'hui dans notre société. Et surtout au début, quand on arrive, nous, notamment dans les CJD où on intervient beaucoup, au début, les gens, ils font un peu des gros yeux, quoi, quand on leur dit qu'on va rêver, qu'on va être utopiste et qu'on va se projeter en 2030 vers eux, on aurait réussi. Mais très vite, on se rend compte que offrir ce cadre-là, c'est l'occasion pour eux de rêver en très grand et de proposer des choses qui, je pense, ne seraient pas autorisées dans un cadre classique, une conversation classique avec des étiquettes qu'on a l'habitude d'utiliser. Est-ce que vous, justement, vous êtes aussi un nouveau cadre suffisamment vierge pour pouvoir être incubateur de ces nouvelles croissances, ces nouvelles histoires, ces nouvelles manières de se représenter par rapport au monde et donc avec une structure qu'est l'entreprise comme aussi incubateur de ces nouvelles relations? Alors, nous, la CEC, c'est un exercice de réinvention des modèles d'affaires à l'intérieur des limites planétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est nécessaire de se rendre compte que 6 sur 9 des limites étant dépassées, l'objectif n'est pas de continuer de les dépasser moins vite. L'objectif n'est pas de s'arrêter là où on est, l'objectif c'est de revenir en arrière. C'est la zone sûre dans le donut, etc. Et pour ça, faire de la RSE classique de réduction d'impact, c'est-à-dire faire moins mal axiomatiquement, ça ne marche pas parce qu'on est toujours en train de faire mal. Le net zéro, ça ne marche pas parce que les limites étant déjà dépassées, on ne peut pas juste s'arrêter là où on est. Donc, ce qu'il faut, c'est de l'impact net positif. Et on appelle ça du régénératif. C'est des gens comme... l'agriculture régénératrice, c'est des choses qui... Alors, est-ce que c'est né aux US? Je ne sais pas, mais ça s'est pas mal développé là-bas. Sur les concepts d'économie régénérative, tu as des gens comme John Fullerton aux US qui ont commencé à le penser autour de 2015 et des brouettes. Et tu as des... En France, tu as différentes choses. Nous, on travaille avec pas mal de monde. Tu as Lumia avec qui on bosse, mais tu as aussi Openland, tu as Axa Climate Summit, etc. L'économie régénérative, c'est se poser la question comment mon activité économique peut-elle régénérer les conditions d'équilibre des écosystèmes? Comment peut-elle régénérer des ressources naturelles plutôt que les détruire? Comment elle peut régénérer un territoire plutôt que le détruire? Et nous, évidemment, quand tu te poses cette question-là, le premier réflexe, c'est de se dire mais t'es con ou quoi? Comment tu veux que mon activité elle fasse ça? Genre, je produis des camions, comment veux-tu que mes camions fassent repousser les sapins? Et c'est vrai que, comme c'est un exercice de reconnexion au vivant, il n'y a guère que l'agriculture qui pourrait, en silo, se dire « Ok, je vais régénérer le vivant, me reconnecter et régénérer le vivant ». Et donc, ce qu'on invite à faire, c'est à effectivement à se projeter loin, minimum 10 ans. Et un parcours CEC, c'est 6 sessions dont la première est concentrée sur comprendre ce que ça veut dire les limites planétaires, à quel point sur chacune c'est grave. Donc, les gens en ressortent émotionnellement essorés. Moi-même, je me souviens, ma troisième session 1 pour la CEC Consulting, j'en suis sorti complètement déprimé pendant 2 semaines. Je suis remonté, ne vous inquiétez pas. Je redescends parfois, mais je remonte après. Et c'est certain que se poser une question aussi radicale, quand on est pris dans les injonctions contradictoires du « ici et maintenant », tu n'y arriveras jamais. Tu trouveras toujours les bonnes raisons pour dire « dans tout mon écosystème de parties prenantes qui me tire un peu dans tous les sens, jamais je vais réussir à faire passer ça ». Pourtant, ça aujourd'hui, c'est le job, entre autres, du politique. Et c'est pour ça que politique comme autre, moi, je ne pense qu'on ne peut y arriver, on ne peut embarquer qu'avec une empathie radicale, elle aussi. Ouais, je rebondis là-dessus d'ailleurs. Nous, on fait toujours présomption d'empathie, de bienveillance, d'intelligence chez l'autre. Et finalement, le pari de la CEC, c'est que ça. C'est de dire, je fais confiance à toutes les personnes qui ont cru que le jeu, c'était juste de puiser sur l'étagère du vivant pour générer de la croissance économique, pour rebattre les cartes et s'imaginer avec des règles jeu complètement différentes. C'est Churchill qui disait qu'il valait mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Jusqu'à quel point tu as vu que quand on donnait l'opportunité aux entrepreneurs, aux entreprises de le faire, ils s'en saisissaient? Est-ce que parfois tu n'as même pas été un peu surpris de leur ambition, de leur capacité à aller même au-delà de ce que vous aviez prévu et de cadre que vous aviez créé d'accompagnement, de montée en compétences, de compréhension de ces enjeux-là? Ouais, et j'ai pas fini de répondre à la question d'avant, juste sur la projection. Qu'est-ce qu'on leur propose comme exercice dans le cadre de tout ce que j'ai énoncé? De se dire, ok, les injonctions contradictoires du présent, on comprend, on est passé par là. Nous aussi, à la CEC, maintenant, on est une organisation de 400 personnes. Les injonctions contradictoires du présent, ça tiraille aussi. Donc, plutôt par contre, aujourd'hui on est en 2023, est-ce que tu te projettes en 2033 ? Et tu te poses la question, à l'aune de tout ce que j'ai appris et compris, c'est quoi la meilleure version possible de mon entreprise en me libérant des contraintes du présent ? Parce que je crois que c'est du Bill Gates de dire on surestime ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10. Et donc, si on se projette dans 10 ans, globalement, tout est possible. Allez, là, on peut être fou. Et donc, on les invite à se poser la question, à quoi ça ressemble le business qui coche les bonnes cases ? Et s'étant transformé de la sorte, c'est quoi les effets positifs pour l'entreprise et pour ses parties prenantes, ses écosystèmes qui émergent ? Et quelles valeurs on peut leur donner ? Exemple, Renault Trucks, donc constructeur de camions, il est sorti de la session 2 qui est concentrée sur cet exercice-là en se disant bah, en fait, mon job, ça va être de produire moins de camions et de les faire rouler moins. Dans quel monde ça marche, ça, économiquement ? Bah, si tu te projettes loin et que tu regardes un peu les conséquences négatives de l'activité classique, tu peux imaginer des effets positifs à aller à l'inverse. Par exemple, un camion, ça, un poids lourd, ça use la route jusqu'à 10 000 fois plus vite qu'une voiture. La rénovation des routes, ça a un coût énorme pour les collectivités locales, territoriales. Ça a un coût énorme en termes de dégradation des sols, de biodiversité. Et donc, on se pose là une question de « Ok, et si mon camion ne roulait pas, bah, j'économiserais énormément d'argent en collectivité territoriale et j'userais moins la biodiversité. » Et quand on parle CSRD, l'encadrement, le fait de donner de la valeur à l'environnemental, d'assigner un coût à nos externalités, on ne peut que aller dans le sens de coût augmenté, pas que pour le carbone, mais pour d'autres choses. Donc, tout montre que, en fait, plus on va avancer, plus il va y avoir de la valeur à ne pas faire. Et quand tu es Renault Trucks et que tu te projettes là-dedans en 2030, que tu te sens suffisamment confiant que tu peux avoir un président de ta boîte, un actionnaire qui serait peut-être capable de l'entendre si tu t'y prends bien et de se projeter là-dedans avec toi, bah tu dis « Ok, ça, c'est un point de départ. » Je peux imaginer plein de choses aussi. Je peux me dire bah, « Est-ce que mon métier, c'est de produire des camions ou est-ce que c'est de déplacer des marchandises ?» Si c'est l'option 2, bah, en quoi, qu'est-ce qui m'empêche de réfléchir à d'autres modes, le fluvial, le ferroviaire ou ce genre de choses, la cyclo-logistique. Et là, en répondant à la question d'avant, je suis en train de répondre à la dernière question aussi, d'avoir un constructeur de camions qui sort en disant « il faut que je vende moins de camions qui roulent moins », c'est plutôt contre-intuitif et c'est moi, en me lançant dans la CEC, j'aurais pas imaginé ce genre de choses. Mais ça te lance dans des réflexions de modèles économiques et sociaux qui sont radicalement différents et la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le temps passe trop vite, j'animais au ministère de la Transition qui venait à travers la Première Ministre d'annoncer la stratégie nationale biodiversité, j'animais au ministère une table ronde entreprise avec les directeurs, directrices RSE et DG de très grandes boîtes. Et en fait, il y a eu consensus à la fin de la table ronde. De toute façon, on n'y arrivera pas tant que la nature est gratuite. Tant que ça ne coûte rien de défoncer la nature, on n'y arrivera pas. Et donc, ce paradigme-là qui change, qui paraît inéluctable, bah ça libère aussi l'imagination. Et donc, c'est comme ça que des feuilles de route comme celle de Renault Trucks peuvent émerger. Mustela, c'est j'arrête les lingettes pour 2027 qui sont 20% de mon chiffre d'affaires et qui sont rentables. Moi, ayant prouvé toutes les raisons pour lesquelles, en vrai, même si elles sont compostables, c'est dégueulasse et ça ne fait pas le job. Rossignol qui se dit, bon, bah, de toute façon, dans 20 ans, il n'y aura plus de neige en dessous de 2600 mètres. Donc non seulement, oui, je vais décarboner la production de mes skis et faire le plus recyclé, recyclable possible, etc. Mais en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, comme mon ADN, c'est la montagne, c'est de renaturer des espaces à l'intérieur desquels je vais pouvoir shifter le modèle économique et plus sur du serviciel, permettre aux gens de faire du sport à l'intérieur et à travers ça, faire en sorte que les gens se reconnectent entre eux et au vivant. Toutes ces choses-là n'ont de sens que dans un cadre qui évolue et c'est là que institutions et entreprises et citoyens, enfin, c'est là que tout se rejoint, hein, qu'il faut transformer le triangle de l'inaction en triangle de l'action. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est de faire, alors je ne sais plus si c'est un mot que tu avais utilisé, mais des éclaireurs de ces projets-là. Mustela qui abandonne, s'ils sont les seuls à abandonner les lingettes et que tous les autres en font encore plus, on n'a pas résolu le problème. Rossignol, si c'est les seuls à travers le sport à essayer de reconnecter les gens vivants, on n'a pas résolu le problème. Par contre, si tu aides la puissance publique dans sa fonction première de représenter l'intérêt général à comprendre et à se saisir de ça, d'en faire des objets politiques pour dire arrêtez de me dire que c'est pas possible, regardez, voici des exemples. En fait, finalement, vous êtes des machines à... Je suis désolé d'avance de ce que je veux dire, pardon. Vous êtes des machines à Éric Zemmour de l'économie de demain, en fait. Des gens qui vont ouvrir la fenêtre d'Overton dans le sens qui nous intéresse, en racontant comment elles vont loin et en normalisant des sujets qui pouvaient paraître comme choquants il y a quelques temps, mais à force d'entendre l'exemple de Mustela, à force d'entendre Renault Trucks qui est en train de devenir apparemment taoïste et qui se dit qu'il va falloir non agir, ben on normalise tout un tas de choses qui, jusqu'à présent, nous grattent un peu parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre. Alors, fenêtre d'Overton, 100%. J'ai souvent sur mes slides des choses qui ressemblent à de la fenêtre d'Overton. Zemmour, tu m'as un peu perdu, mais je vois l'idée. Éric Zemmour, c'est lui qui ouvre la fenêtre d'Overton de l'extrême droite, dans l'autre sens. Non, mais c'est 100% une question de fenêtre d'Overton. Et nous, ce qu'on cherche à produire, ce sont des objets politiques. Et un objet politique, pour nous, ça a trois caractéristiques. C'est un résultat accompli, c'est un héros pour le porter et c'est une vision de l'action déployée. Et si tu arrives à faire émerger ces choses-là, la CEC en est un producteur, mais il y a plein d'autres endroits, toi aussi, vous aussi, vous en êtes capable. Si on produit ces choses-là, bah, ça, ce sont des... Je n'ai pas de métaphore satisfaisante qui me vienne, que ce soit l'huile dans les rouages ou c'est quelque chose d'un peu plus radical que l'huile dans les rouages, mais c'est en fait, j'ai déjà été à différents moments, à différents endroits, dans des ministères avec mes feuilles de route CEC sous les bras, sous le coude, et j'ai vu vraiment des yeux s'éclairer chez des profils type conseiller ou gens haut placés dans des administrations qui galèrent à faire passer les messages à la couche d'au-dessus. Les yeux s'éclairaient où j'ai ressenti un peu de « putain, je vais enfin pouvoir montrer que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle ». Il y a bien des entreprises qui se bougent à ce point-là. Donc nous, c'est ça le job, parce que c'était 150 entreprises la première CEC. En 2023, on aura lancé 9 parcours, ça fait 500 entreprises. On reste dans l'unité de compte des centaines. Il y a 2 millions d'entreprises en France. En Europe, je ne sais pas combien il y en a. Dans le monde, il y en a encore plus. Il faut que ça fasse, il faut qu'il y ait une... On est persuadé que d'un petit noyau peut émaner quelque chose de beaucoup plus grand à partir du moment où tu respectes ces trois caractéristiques de l'objet politique. Et moi, politique, je le détache vraiment. Par politique, on se met souvent à penser partisan. Moi, quand je pense politique, je pense vie de la cité. Comment on fait société ? Et justement, tu évoques là un sujet qui nous est de plus en plus posé, qui est de savoir si on doit convaincre les gens de voyager en 2030 glorieuse. Et justement, à partir du moment où on fait voyager des éclaireurs potentiels avec toute leur puissance, toute leur capacité d'ambition, je me pose la question de savoir jusqu'à quel point on doit mettre de l'énergie à convaincre des gens qui n'auraient pas ce potentiel-là. Est-ce que vous, dans les CEC, vous avez délibérément choisi de sélectionner que les entreprises qui venaient à vous parce que vous saviez qu'elles avaient ce potentiel et que ça allait être facile de les activer parce qu'elles avaient déjà compris les enjeux? Ou est-ce que vous avez aussi utilisé des stratégies de vente, pour le dire un peu directement, parce que, avec certains acteurs du milieu économique qui, par leur taille, par leur existence, leur historique, leur monopole ou j'en sais rien, devaient aussi venir sur ces enjeux, même s'ils allaient bouger un petit peu moins vite. On privilégie la marge ou on ouvre, et si dans ce cas-là on ouvre, comment on convainc que l'utopie, la CEC, les imaginaires, les 2030 glorieuses, c'est le bon objet au bon moment? Alors, on était complètement dans une logique de vente de l'idée, 100 ans. Il y avait aussi une participation financière pour qu'on puisse le faire, notre projet. Hein, mais la première CEC, on avait à un moment une équipe de 10 personnes qui étaient au téléphone toute la journée pour décrocher des rendez-vous, pour convaincre. Parce que oui, on a eu des candidatures spontanées de boîtes, de profils, de gens convaincus. Mais les plus grosses boîtes, les plus grosses marques, faut y aller. Parce que 12 jours pleins du temps d'un DG, d'une DG, c'est énormissime, quelle que soit la taille de la boîte. Nous, à la CEC, là, et moi spécifiquement, avec un petit groupe, on est en train de lancer une entreprise dans l'écosystème CEC. Tu me demandes 12 jours, là, je t'envoie chier, mais sans hésiter. Ce qu'on a voulu faire, c'est réunir, inspiré par la Convention citoyenne, un collectif représentatif le plus possible de l'économie française par les secteurs, la géographie, etc., mais aussi par les difficultés de transition. Ce n'est pas la même chose de transitionner quand tu es Renault Trucks ou que tu es Zay, startup qui produit des dashboards en SaaS de reporting ESG. De les difficultés de transition, les différences de maturité, de compréhension des sujets, il y avait autant des entreprises déjà bicorp et entreprises à mission que d'entreprises qui n'avaient rien, qui pigeaient rien, qui étaient là spécifiquement en disant moi je veux rejoindre parce que je pige rien et je sais que je sens l'air du temps changer, je sens que je deviens que je vais perdre ma pertinence si je ne fais rien. Et ensuite, pour reprendre la première partie de ton questionnement là, faut aller chercher les gens là où ils sont. Faut inviter les gens à... En fait, tout le monde se projette, mais à partir de choses différentes. Au moins une bonne moitié, je dirais, des dirigeants qu'on a eu et qu'on a toujours en entretien de recrutement, quand on leur demande « Pourquoi tu es là ?», la réponse, c'est « Mes enfants ». Je n'ai pas d'enfants, mais j'imagine que tous ceux qui ont des enfants se posent la question de à quoi va ressembler sa vie. D'autres personnes, d'autres profils, tu as plein de gens, en France et ailleurs, qui se projettent avec une féroce intensité dans le futur, en calculant leur droit à la retraite, par exemple. Quel que soit leur stade de la vie, où est-ce que j'en suis dans mes cotisations, faut pas que je fasse trop de conneries. Si j'entreprends en ne payant pas pendant trop longtemps, qu'est-ce que ça fera sur... Bon, moi, je me suis simplifié la vie. Je me suis dit que quand ça sera l'âge d'en avoir, il n'y en aura pas. Donc, comme ça me libère l'esprit. Mais aujourd'hui, des populations quinquagénaires, par exemple, tu peux les inviter très fortement, même si elles se sentent un peu usées, désabusées par leur carrière, à se dire, je commence à avoir le droit de penser que je vais pouvoir lever le pied et qu'on me fasse pas chier parce que j'ai quand même suffisamment trimé. Ces personnes-là, elles se projettent en 2030, en 2035, en calculant leur droit à la retraite, par exemple. Et donc, il y a une belle invitation à se dire, OK, il va ressembler à quoi ce monde-là? Si on regarde ensemble les cartes d'un monde déjà à plus 2 degrés, puis à plus 3 degrés. Si on regarde ensemble ce qui va changer en termes de flux migratoire, ce qui est déjà en train de changer. Si on est en train de regarder là où il va manquer de l'eau, est-ce que sur ton lieu prévu de rêver de vacances pour célébrer ta retraite, est-ce qu'il y aura encore de l'eau? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser dès maintenant et on l'a déjà vécu en France. L'agriculture, est-ce que tu vas voir bouffer dans ton lieu de retraite? Moi, j'ai grandi aux Pays-Bas. L'agriculture néerlandaise, qui est le deuxième exportateur mondial en valeur, s'effondre parce que les sols ont été défoncés à coup d'intrants azotés. Donc, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, se projette pour des raisons qui peuvent être hyper matérialistes comme hyper altruistes, mais tout le monde se projette. Et donc, je pense que le job, c'est d'y aller sans jugement, d'y aller avec curiosité vers les gens pour demander « Ok, dans quoi tu te projettes ? À quoi ça ressemble ?» Juste de dérouler le fil de ton narratif, du narratif et dire « Ok, et quelle est la proba que ce scénario-là se réalise ?» Et face aux résistances, peut-être, moi, c'est vraiment un truc qui me travaille, la notion de l'empathie, la notion de comprendre les résistances, parce que je reviens à ta toute première question, qui ne connaît pas la CEC, énormément de gens sortent. Il faut absolument qu'on sorte de notre bulle. Et sortir de notre bulle, aller vers des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, moi, je me dis depuis un moment qu'il y a un questionnement extrêmement humble à aller chercher, qui est de se poser la question de quoi tu as peur. Moi, ça fait 3 ans, soit que je me fais coacher, soit que je côtoie plein de coachs, dont la merveilleuse Roselyne. Et cette posture d'aller chercher les gens là où ils sont et de leur poser les questions un peu fondamentales, derrière tout scepticisme, derrière tout complotisme, derrière toute posture arc-boutée, il y a une peur. Chez les transitionneurs comme chez les gens qui ne le sont pas, et à tout, chez les électeurs d'Éric Zemmour, comme ceux de Macron, comme ceux de Delphine Bateau, il y a des peurs. Et ça m'avait d'ailleurs particulièrement marqué un événement où j'intervenais l'été dernier, où ça parlait transition et démocratie, et j'entendais des gens dire « de toute façon… le pouvoir ne tient que par sa police, et puis les élites nous manipulent, et puis l'extrême droite ci, l'extrême droite ça. » Et j'avais vraiment envie de poser la question aux gens, c'est quand la dernière fois que tu as pris un café avec un électeur de Zemmour, par exemple, juste pour dire « j'ai envie de comprendre ». Et Arthur, moi, je retourne mais Arthur nous parlera tout à l'heure de son rêve de faire voyager en 2030 glorieux son coiffeur. Et exactement dans cette dynamique-là, et qui nous aussi nous questionne beaucoup sur comment faire en sorte que les rêves soient vécus collectivement et les plus nuancés, les plus complexes possibles, en ayant les gens les plus différents possibles, ouais, à nos voyages en 2030 glorieuses. Et d'ailleurs, d'expérience, depuis les 3-4 années qu'on fait les voyages en 2030 glorieuses maintenant, les voyages les plus puissants mais aussi les plus simples sont des voyages où j'ai des profils les plus variés possibles. Le moment où j'ai des personnes qui sont vraiment assez similaires, qui sont formatées ou qui croient aux mêmes histoires, bah là c'est plus difficile parce que bah du coup il y a un entre-soi qui crée un élitisme, qui crée une compétition, qui peut créer des choses comme ça. On se pose pas mal, nous, la question de notre évaluation pour les années à venir. Et Arthur, tout à l'heure, me partageait une tribune qui a été écrite par Dimitri Dubois, ingénieur de recherche au CNRS notamment, et qui nous dit qu'il n'existe aucune preuve de l'impact d'une formation de sensibilisation aux enjeux climatiques sur les comportements. Donc clairement, il fait mention à tout moment des fresques pour le climat, dont dans notre écosystème, on se félicite de plus en plus. J'ai l'impression, on dit qu'il y a un vrai changement, une bascule des millions de personnes maintenant qui sont formées à ces enjeux. On y fait référence souvent dans les succès, les dynamiques. Est-ce que vous avez, à un moment ou un autre, posé la question de la transformation des structures que vous accompagnez et des gens que vous accompagnez? Comment vous le mesurez? Est-ce que tu as des signaux faibles ou des chiffres à nous apporter? Et qu'est-ce que ça dit aussi de notre envie d'efficacité et de comment on mesure nos projets? Avec, en question bonus, c'est quand la mort de la CEC? On s'est déjà posé cette question de c'est quand la mort de la CEC. On a une raison d'être qui est rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative avant 2030. On ne pense pas que l'économie mondiale sera régénérative d'ici 2030. Je ne pense même pas qu'il y aura une seule boîte vraiment régénérative ou plutôt un écosystème, puisque comme on s'est dit, en silo, ça ne marche pas vraiment régénérative d'ici 2030, mais que le mouvement soit devenu irrésistible et que la charge de la preuve soit inversée. Ça, Valérie Masson-Delmotte, elle est passée plusieurs fois, notamment dans le premier parcours, et elle partageait à la cérémonie de clôture, quand elle avait déjà fait sa présentation scientifique du rapport, je l'avais plutôt invité à partager son ressenti d'être humain, de personne engagée. Qu'est-ce qu'elle ressent après quoi, c'est 8 ans à la tête du groupe 1 du GIEC et d'avoir été aussi exposé, aussi médiatique. Et ce qu'elle disait, c'était que, entre autres, la charge mentale reposait encore sur les épaules de ceux qui portent la connaissance et les messages. Et tant qu'on est dans ce cas de figure-là, on ne va pas s'en sortir. Le jour où la charge de la preuve s'inverse, c'est ce jour-là où la CEC, on pourra aller faire autre chose. Je pense que c'est ça, c'est une question de bascule culturelle. Ayant dit ça, je n'ai plus en tête la première partie de ta question, mais au moins ça répond à la deuxième. La première partie de la question était de savoir, justement, au-delà des commentaires positifs que vous devez avoir, le bouche à oreille qui se crée, la dynamique qu'on voit avec la territorialisation des CEC, comment vous mesurez l'impact de ce qu'on pourrait qualifier comme étant toutes ces formations, ces incubateurs à transformation par la sensibilisation? Tu as différentes choses. Tu as, de base, quand tu participes à un parcours CEC, tu remets une feuille de route. Autant que faire se peut, cette feuille de route est publique. Ça participe à la notion d'intérêt général de l'association. Ça fait partie des cases à cocher pour nous. Et donc, sur la première édition, par exemple, tu en as 85 sur les 150 qui sont publics. Et donc, Mustela, par exemple, a écrit publiquement en 2027 « J'arrête les lingettes ». C'est simple, c'est opposable. On pourra aller checker en 2027, OK, est-ce qu'ils ont arrêté, oui ou non? Et on pourra même se poser la question, est-ce que, en termes d'équilibre économique, ils ont réussi à tourner le truc de la bonne façon pour que ça absorbe et ça marche. Tu as donc le suivi de feuille de route de façon individuelle. C'est un sujet qu'on est vraiment en train de travailler, nous, la preuve d'impact. Parce que faire le monitoring de centaines ou de milliers de feuilles de route dans leurs moindres détails avec une poignée de bénévoles, quelques contributeurs rémunérés faiblement, c'est compliqué. Donc on cherche à faire, un, de façon agrégée, mais deux, il y a sûrement des façons de déporter vers la communauté de participants la gestion de leurs preuves si on arrive à créer le bon cadre. Il y a aussi le côté très quantitatif. Je vais revenir à la CSRD. Si je pouvais avoir un dashboard qui agrège les trajectoires mesurées par les indicateurs qui se trouvent dans la CSRD de l'ensemble de mes boîtes, et que par exemple ça montrait en 2030 que les réductions de gaz à effet de serre étaient 50% supérieures pour ceux qui ont une feuille de route CEC que pour la moyenne, que l'impact biodiversité ou l'usage des sols s'est réduit de X%, etc. Ça, c'est la vision technocrate, idéaliste du machin, mais elle a un clair intérêt. Parce que moi, technocrate, ça a arrêté d'être un gros mot pour moi. Au sens où, dans le cadre de la CEC pour un projet particulier, on avait rempli un dossier de demande de subvention européenne. Et c'était pour des gros montants. Et tu dis, sur ces budgets-là, quand ils sont ouverts, tu as des milliers de dossiers qui tombent. Et aussi, ils ne sont pas autant de personnes qui ont de dossiers pour recevoir des trucs. Donc, tu as besoin de choses chiffrées qui rendent les dossiers comparables pour qu'on puisse faire des choix sur comment on alloue nos ressources. Donc, si on est capable aussi d'exprimer les transformations, les impacts CEC dans ce langage-là, on aide les pouvoirs publics, les institutions à mieux flécher l'argent collectif. Donc, il y a ces deux choses-là. Et il y a la question des récits. Par exemple, je fais... pas mal de keynote, d'interventions en binôme avec Sophie, la DG de Mustela. Et à chaque fois, elle se crée un fan club, Sophie, mais de malade. Et donc, rien que ça, d'avoir face à soi un dirigeant, quelqu'un sur qui on ne projette pas la radicalité des transformations assumées, et d'avoir ce discours-là, pour beaucoup de gens, c'est une preuve suffisante pour se dire « Ok, bon, j'ai plus d'excuses, moi aussi, je m'y mets. » Merci. Yannick, bonne soirée à tous. Merci à toi, merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous.